Et, pendant 2 jours, elle fut taciturne, recueillie, méditant. Puis, le 3e matin, elle voulut voir Rosalie. Le baron refusa de faire monter la bonne, déclara qu'elle était partie. Jeanne ne céda point, répétant « Alors, qu'on aille la chercher chez elle. » Et déjà elle s'irritait quand le docteur entra. On lui dit tout pour qu'il jugeât. Mais Jeanne se mit à pleurer, énervée outre mesure, criant presque « Je veux voir Rosalie, je veux la voir !» Alors le médecin lui prit la main et, à voix basse, « Calmez-vous, madame, toute émotion pourrait devenir grave, car vous êtes enceinte. » Elle demeura saisie, comme frappée d'un coup, et il lui sembla tout de suite que quelque chose remuait en elle. Puis elle resta silencieuse, n'écoutant pas même ce qu'on disait, s'enfonçant en sa pensée. Elle ne put dormir de la nuit, tenue en éveil par cette idée nouvelle et singulière qu'un enfant vivait là, dans son ventre. Et, triste, peinée, qu'il fût le fils de Julien, inquiète, craignant qu'il ne ressemblât à son père. Au jour venu, elle fit appeler le baron. « Petit père, ma résolution est bien prise. Je veux tout savoir, surtout maintenant. Tu entends, je veux. Et tu sais qu'il ne faut pas me contrarier dans la situation où je suis. Écoute bien. Tu vas aller chercher monsieur le curé. J'ai besoin de lui pour empêcher Rosalie de mentir. Puis, dès qu'il sera venu, tu la feras monter et tu resteras là avec petite mère. Surtout, veille à ce que Julien n'ait pas de soupçons. » Une heure plus tard, le prêtre entrait, engraissé encore, soufflant autant que petite mère. Il s'assit auprès d'elle dans un fauteuil, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes. Et il commença par plaisanter, en passant par habitude son mouchoir à carreaux sur son front. « Eh bien, madame la baronne, je crois que nous ne maigrissons pas. M'est avis que nous faisons la paire. » Puis, se tournant vers le lit de la malade, « Eh, eh, qu'est-ce qu'on m'a dit, ma jeune dame ? Que nous aurions bientôt un nouveau baptême ? Ah ah ah ! Pas d'une barque, cette fois !» Il ajouta d'un ton grave. « Ce sera un défenseur pour la patrie. » Puis, après une courte réflexion, « En moins que ce ne soit, une bonne mère de famille. » Et, saluant la baronne, « Comme vous, madame. » Mais la porte du fond s'ouvrit. Rosalie, éperdue, larmoyant, refusait d'entrer, cramponnée à l'encadrement et poussée par le baron. Impatienté, il la jeta d'une secousse dans la chambre. Alors, elle se couvrit la face de ses mains et resta debout, sanglotant.